C'est 6h du matin, redonne-moi du maté. Franchement je le sens bien, non je suis pas prêt d'aller me coucher. Encore et encore, noyé dans la sueur de ton corps. Non je n'arrive pas à y croire quand je vois la beauté du décor. Toujours le même dilemme, on espère que personne nous verra. Dans les bras de celle que j'aime, le sable est notre seul drap. Dans des lieux insolites, très souvent ne résiste pas. Allongé dans la magie du moment, demain n'existe pas. Allez, on va trinquer, danser, se planquer, oser. Prendre le temps de bien doser. Entre fatigue et désir, on se fabrique nos délires. Tu vois ce genre de moment où tu pars très vite en fou rire. Et si t'as froid, on remet ça, non pas besoin de fourrure. Recouvert de douceur, on n'a pas mangé depuis 12h. Bientôt on va bouger, se baigner dans la mer et enlever la sueur. Après on se fera un plat, ce sera le meilleur du monde. Mais avant ça, laisse-moi kiffer quelques secondes. Rien ne peut remplacer le goût de cette douce nuit d'été. On a déplacé tous les nuages, oh bébé, tu le sais. Rien ne peut remplacer le goût de cette douce nuit d'été. On a déplacé tous les nuages, oh bébé, tu le sais. J'observe la lune tout en haut de la dune. Et bien sûr je comprends que la plus belle des fortunes, c'est ce que l'on vit là, pas besoin de villa. Nous en ville au village, à la dune du pile, à l'infini de la nature. Ta folie et ta joie repousse tous les nuages, repousse toutes mes peines. Il y a toujours des spots pour faire rêver les rois, il y a toujours des spots pour faire rêver les reines. Réveille à l'amour quand il dort à deux, retrouver l'Eldorado. Là où la vie est si belle et si douce, où la chaleur des corps se touche. Abondance de tendresse, d'attention, de câlin. Maintenant le temps presse, j'attends l'été prochain. Rien ne peut remplacer le goût de cette douce nuit d'été. On a déplacé tous les nuages, oh bébé, tu le sais. Rien ne peut remplacer le goût de cette douce nuit d'été. On a déplacé tous les nuages, oh bébé, tu le sais.